Donc on commence. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue notre cours sur l'explication du livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, Sharh wa Aqidat Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 40. Au dernier cours, on expliquait le terme istawa. Istawa ala al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Et on a expliqué que le terme istawa peut avoir différentes significations selon la façon dont il est employé et selon le contexte. Et on a donné à ce sujet quatre utilisations qui sont mentionnées dans la langue arabe. Et trois d'entre ces utilisations sont mentionnées dans le Coran. La première, c'est l'emploi du terme istawa avec la préposition ala à la suite, istawa ala shay. Et on a expliqué que quand istawa est utilisé avec la préposition ala, ça ne peut pas vouloir dire autre chose que al-ulu, le fait de s'élever sur quelque chose ou de monter au-dessus de quelque chose. Et les salafs, quand ils ont expliqué la signification de istawa ala al-arsh, ils ont utilisé des synonymes pour l'expliquer. Et ils ont dit comme exemple irtafa'a. Ils ont dit la signification de istawa ma'nahu irtafa'a wa sa'ida wa ala. Donc ces trois termes là sont des synonymes qui ont tout, dans les trois cas, la signification c'est de s'élever au-dessus de, ou de monter. Et il a mentionné également des versets à ce sujet dans le Coran. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. Donc ça c'est dans surat al-Zukhruf. Puis il y a un autre verset aussi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ, à propos de l'arche de Noé. Et lorsqu'elle s'est posée sur le dessus d'une montagne, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. Donc il y a ça. Puis il y a aussi l'emploi du terme istawa avec la préposition ila. Ça, on l'a mentionné. Et ça, c'est dans le sens de al-qasd, dans le sens de al-qasd, bima'na al-qasd. Dans le sens de tourner notre attention vers telle chose ou de se concentrer sur quelque chose en particulier. Le terme, quand il est employé avec al-waw, istawa al-ma wal-khashaba. Donc ça c'est dans le sens d'être à égalité avec deux choses. En arabe, l'égalité, on dit al-musawa, al-musawa, l'égalité. Et istawa, dans ce sens-là, ça veut dire être à égalité. Les gens, parfois, ils disent, quand il parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, il dit al-istiwa bayn ar-rajul wal-mar'a, hein, al-musawa bayn ar-rajul wal-mar'a, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand tu l'utilises avec le waou, ça veut dire à égalité, d'accord. Donc ça, c'est les utilisations mentionnées par rapport au terme istawa et selon le contexte, qu'est-ce qu'il peut avoir comme signification. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit dans le texte de Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jama'a, wastiwa'uhu 'ala al-'arsh 'uluwuhu 'alayhi bi dhatihi 'uluwan khassan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa la ya'lamu kayfiyatahu illa huwa jalla wa 'ala wa la ya'lamu kayfiyatahu illa huwa jalla wa 'ala jalla jalaluhu. Le cheikh, il dit que al-istiwa, le fait que Allah s'est élevé sur le trône, istiwa'uhu 'ala al-'arsh, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il s'est élevé par sa personne au-dessus de son trône, et il s'est élevé d'une manière particulière qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Et bien entendu, les ulama à ce sujet-là, ils disent toujours istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, c'est-à-dire il s'est élevé d'une manière qui correspond et qui convient à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection, et c'est une élévation qui n'est pas comparable à l'élévation des créatures, comme par exemple lorsqu'une créature monte ou s'élève sur une autre créature, ça, hein, c'est pas comparable avec le fait que Allah s'élève sur le trône. Il n'y a pas de comparaison possible. Et on a déjà expliqué dans les cours précédents que lorsque Allah s'élève sur le trône, ça ne veut pas dire que c'est le trône qui supporterait Allah, ou que Allah aurait besoin du trône. Non, Allah n'a aucun besoin du trône. Et ce n'est pas le trône qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le contraire, c'est Allah qui supporte le trône. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé sur le trône, mais le comment, on l'ignore complètement. C'est-à-dire que Allah, il ne nous a pas mentionné comment il s'est élevé sur le trône. Il n'a pas décrit al-istiwa, sauf qu'il l'a mentionné, et donc nous devons l'affirmer. Nous devons l'affirmer tel qu'il l'a mentionné lui-même. Et le cheikh, il explique cette parole-là, cette phrase-là, il l'explique en disant وَقَوْلُهُ وَاسْتِوَاءُهُ عَلَى الْعَرْشِ عُلُوُّهُ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ عُلُوًّا خَاصًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَتَهُ إِلَّا هُوَ جَلَّ وَعَلَى لِأَنَّ لَدَيْنَا عُلُوَيْنِ علو عام وعلو خاص فالعلو العام علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدم وغير ذلك وقد دلت عليه آيات العلو كما سبق والعلو الخاص هو علوه على العرش وهو استواؤه عليه ويظهر ذلك بالمثال إنسان على كرسي في السطح وهناك علو عام وهناك علو خاص فكونه على الكرسي هذا خاص بالكرسي وكونه عاليا على البيت كله هذا عام فعلو الله عز وجل على كل المخلوقات عام وعلوه على العرش خاص. Donc, on va expliquer qu'est-ce qu'on vient de lire. Le cheikh, il dit, lorsque on dit que Allah s'est élevé sur le trône, il a istawa ala al-arsh, hein, ça veut dire qu'il s'est élevé au-dessus de ce trône par son être et par sa personne. Hein, contrairement à ceux qui disent ou qui prétendent que son élévation sur le trône, c'est quelque chose qui est allégorique ou symbolique et qui n'est pas réel, ou que c'est son élévation par ses attributs et par sa grandeur et par son statut et non par son être. Donc ils veulent déformer le sens réel de qu'est-ce que signifie al-istiwa. Et le cheikh dit ensuite que c'est une élévation qui lui est particulière et qui convient à sa grandeur et à sa majesté, et nous ne connaissons pas le commun, ou nul ne connaît le commun de son élévation sur le trône, excepté lui. C'est-à-dire, personne ne peut savoir comment Allah s'élève sur son trône, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, donc, nous avons deux élévations. Parce que si vous vous souvenez bien, et si vous avez assisté aux cours dans le passé, les derniers cours qu'on a fait étaient au sujet de l'attribut de Al-Ulu de façon générale. Al-Ulu qui veut dire le fait qu'Allah est Al-Aliyu, Al-A'la, qu'il est le Très-Haut, qui est le plus haut, celui qui est au-dessus de toutes choses et au-dessus de toutes ses créatures. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Ulu Al-Am, l'élévation générale d'Allah sur toutes ses créatures, sans exception. Puis, il y a cette ulu qui est particulière, c'est l'élévation d'Allah sur son trône. Ça, c'est une élévation, c'est une forme de ulu, mais qui est particulière au trône. D'accord ? Donc, ça, c'est la différence que le cheikh a mentionnée entre l'élévation générale, c'est-à-dire le fait qu'Allah est au-dessus de tout, au-dessus des cieux, au-dessus de la terre, au-dessus des montagnes, au-dessus de toutes les créations, au-dessus des êtres humains, au-dessus de toutes choses, sans exception. Au-dessus du trône, ça c'est particulier. Hein? C'est quelque chose qui est particulier puisque Allah l'a spécifié et l'a mentionné. Donc il dit que c'est comme, si on peut donner un exemple pour rapprocher la compréhension, alors si on dit par exemple d'une personne qu'il est sur le toit de sa maison, puis il est assis sur sa chaise. Hein, il est assis sur une chaise sur le toit de sa maison. Donc, le cheikh, il dit, il y a une élévation générale et il y a une élévation qui est plus spécifique, plus particulière, du fait que, étant donné qu'il est assis sur sa chaise, ça on peut dire que c'est quelque chose qui est particulier à la chaise, mais le fait qu'il est sur la maison, on peut dire qu'il est au-dessus de tout ce qui est en dessous de lui, de façon générale. Donc ça, c'est un exemple. Donc l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est au-dessus de toutes ses créatures, de façon générale, et en particulier sur son trône. Et il dit, وَلِهَذَا لَا يَحِلُّ أَن نَقُولْ إِنَّ اسْتِوَاءَ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ وَلَا أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ بَلْ نَقُولْ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ خَاصَّةً ولهذا قيد بقوله علو خاص. Donc il dit que c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit de dire que Allah c'est par exemple istawa ala sama. On peut pas utiliser l'expression istawa pour dire que Allah s'est élevé sur le ciel, hein, au-dessus des cieux, ou bien sur les créatures. On peut uniquement utiliser cette expression istawa à propos du trône en particulier. D'accord? Et c'est pour ça qu'on le restreint en disant que c'est une élévation qui est particulière. Et il dit wala naqul istawa ala as-samaa li'anna al-istiwa 'uluwun khass kama qarrarahu Sheikh al-Islam rahimahullah fi ar-risalah al-'arshiyyah wa ghayruhu min al-'ulama. Il dit que on doit pas dire donc que Allah il s'est istawa ala as-samaa, hein. La raison de ça, c'est parce que yani al-istiwa, c'est spécifique au trône. Et Cheikh al-Islam, il a mentionné ça, il l'a établi dans son livre qui s'appelle Ar-Risalatul Arshiyah. C'est un livre qu'il a écrit à propos du trône d'Allah. Et d'autres parmi les ulamas ont expliqué ce point-là aussi. Au dernier cours, on a terminé en mentionnant le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'attribut de l'istiwa sur le trône dans 7 différents versets dans le Coran, et dans tous ces versets-là, c'est toujours la même formulation. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. Puis, dans le verset dans Surah Taha, استوى الرحمن على العرش استوى. D'accord? Et les versets, on les avait mentionnés. Le premier verset, c'est dans Surah Al-A'raf, le verset 54. Le deuxième verset, c'est dans Surah Yunus, si je ne me trompe pas, le verset 3. Le troisième verset, c'est dans Surat al-Ra'd, le verset 2. Le quatrième verset, c'est dans Surat Taha, le verset 5. Le cinquième verset, c'est dans Surat al-Furqan, le verset 59. Et le sixième verset, c'est dans Sourate, yani, attends, c'est quoi, c'est Az-Zukhruf, le verset 4, si je ne me trompe pas, puis yani, le dernier verset, c'est dans Sourate Al-Hadid, le verset 4. Oui, c'est ça, le verset 4. Donc, juste pour vérifier, le Sourate 32, si c'est Az-Zukhruf. Non, c'est As-Sajda, pardon. Sourate As-Sajda, le verset 4. Tu voulais les écrire? Ça va? Si tu veux, je peux les redire rapidement. Je veux dire, mais si je dis juste les chiffres, peut-être c'est plus rapide. Le Sourate 7, verset 54. Sourate 10, verset 3. Sourate 13, verset 2. Sourate 20, verset 5. Sourate 25, verset 59. Sourate 32, verset 4. Et Sourate 57, verset 4. Donc ça, c'est les sept versets dans lesquels on retrouve l'explication du fait que Allah, il dit « Istawa ala l'arsh ». Il dit le cheikh ensuite « Al-muhim anna istawa ala kaza hadha khasun bihi wa la yatanawaluhu ghayruhu walakin iza kana l'arsh fauqa al-makhlouqat kulliha lazima min istiwa illahi ala l'arsh an yakuna aliyan la mustawiyan » بل عاليا على جميع المخلوقات لأن العلو من الصفات الذاتية لا يمكن أن ينفك الله تعالى عنها أبدا والاستواء من الصفات الفعلية فالاستواء على العرش علو خاص وأنا لا أستطيع أن أقول استوى عليه أي علوا مباشرا لأني أتحاشى من كلمة مباشر ولكن بالنسبة لي أنا على السرير فهذا علو مباشر ولكن علوي على الأرض غير مباشر وهذا يقرب لك هذا الشيء ولا حرج أن نقرب المثال للمعاني لا للمثالية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. Donc, le cheikh, il dit, donc, l'important, c'est de comprendre que quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est istawa ala l'arsh, quand on dit istawa ala l'arsh, ça c'est particulier au trône, et ça ne s'applique pas aux autres choses, seulement au trône. Et il dit parce que, par exemple, si le trône est la plus haute des créatures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature qui est plus élevée que le trône. Tout ce qui existe parmi les créatures est en dessous du trône. Donc, le cheikh, il dit, du fait que le trône est la plus élevée de toutes les créatures, eh bien, ça implique que, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône, s'il est au-dessus de son trône, eh bien, qu'il est élevé au-dessus de toutes ces créatures. Mais on va dire qu'il est élevé, on va dire qu'il est alim et non pas mustawin. On va pas utiliser le terme istawa, on va utiliser le terme ala, dans le sens qu'il est élevé et non pas qu'il s'est élevé avec l'expression istawa. Yani, c'est pour que ce soit clair. Et le cheikh, il dit que l'élévation d'Allah, ça fait partie de ses attributs d'être, de son être, de sa personne. Le fait qu'Allah est élevé, ça fait partie de son être. C'est-à-dire, il a toujours été élevé éternellement et il sera éternellement élevé. Dans son être et dans ses noms et dans ses attributs et dans sa valeur et dans son statut, il est toujours élevé, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours alim. Et cette description et cet attribut ne peut jamais être séparé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de ses attributs. Tandis que al-istiwa, c'est un attribut d'action. Donc, c'est relié à sa volonté. Il le fait quand il le veut. Il le fait quand il le veut. Donc, ça fait pas partie des attributs qui sont uniquement des attributs de son être, c'est un attribut qui fait partie de ses actions, qui est relié à sa volonté. D'accord ? Et c'est particulier au trône. Et il dit ensuite, il dit, je ne peux pas vous dire, par exemple, qu'il s'est élevé d'une élévation, yani, il dit le cheikh Mubashir. Mubashir, en voulant dire comme un contact. Hein? Il dit, je ne peux pas vous dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône et qu'il a un contact direct avec le trône. Parce qu'il dit, je n'oserais pas dire ce genre de choses. Je n'oserais pas utiliser cette parole de contact direct. Hein? Parce que, il dit, si je dis par exemple, à propos de moi-même, que je suis sur le sofa, je suis sur un sofa, ou je suis sur le divan, ou sur une chaise, je suis dessus, mais avec un contact direct. Mais lorsque je dis que je suis sur la terre, hein, ça c'est pas direct, parce que je suis pas en contact direct présentement avec le sol, d'accord. Mais je suis par-dessus, d'accord. Et il dit ça, c'est juste pour donner un exemple. Il dit pour rapprocher, et il est permis de donner des exemples pour rapprocher la signification. Non pas pour faire des comparaisons entre Allah et sa création. Il dit, et la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu donner l'exemple aux sahaba pour leur mentionner comment on va voir Allah au jour de la résurrection, il leur a dit, vous allez voir Allah de la même manière que vous voyez la lune lorsqu'elle est pleine et qu'il n'y a pas de nuages. Donc c'est permis de donner une comparaison dans le but de rapprocher le sens et la signification, mais pas dans le but de faire des comparaisons entre le créateur et la créature, parce que ça c'est du shirk, hein, c'est pas permis. Donc le shaykh il dit فالمهم أن استوى على الشيء على عليه علوا خاصا وبالنسبة لي ولك نقول مباشر ولكن بالنسبة لله لا نقول مباشر ولا غير مباشر ولهذا غلطوا ابن الجوزي في قوله إن الله خلق آدم بيده وما مسه قالوا ليس لك الحق في أن تقول ما مسه وكذلك إذا قلت استوى على العرش وما مسه أو استوى عليه ومسه ليس لك حق. Donc le cheikh il dit, l'important ici c'est de savoir que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est istawa ala, quand on dit istawa ala al-arsh, ça c'est particulier au trône. Il dit, si je parle à propos de moi ou de toi, je peux dire qu'il y a un contact entre la chose sur laquelle tu t'es élevé dessus et toi-même. Mais quand tu parles à propos d'Allah, tu ne vas pas dire qu'il y a un contact direct et tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas de contact direct. Tu t'abstiens de parler de cette question-là de façon générale. Et c'est pour ça que les ulama, certains ulama, ils ont critiqué Ibn al-Jawzi. Vous connaissez Ibn al-Jawzi, qui a écrit Talbis Iblis, hein, les ruses du shaitan. Il faut pas confondre entre Ibn al-Qayyim al-Jawziya et Ibn al-Jawzi, c'est deux savants différents. Ibn al-Jawzi est venu avant Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Et dans Al-Asma al-Sifat, parfois, dans certaines questions, il a fait des erreurs. Et par exemple, il a été critiqué justement, et on a mentionné un des erreurs qu'il a dit en parlant du fait que Allah a créé Adam avec sa main. Et il a rajouté après en disant, et il ne l'a pas touché. Il a créé Adam avec sa main, mais il ne l'a pas touché. Alors, les ulama ont dit, tu n'as pas le droit de dire il ne l'a pas touché. De la même manière que tu n'as pas le droit de dire non plus que Allah s'est élevé sur le trône et qu'il ne l'a pas touché. Ou de dire il s'est élevé sur le trône et il l'a touché. Tu n'as pas le droit de dire ça. D'accord? Non. Allahu a'lam. Le cheikh, il n'a pas mentionné de façon spécifique. Il a juste dit qu'ils l'ont critiqué et probablement c'est des ulama qui sont venus après lui. Wallahu a'lam. Et il dit wa mas'ala هل استواء الله على العرش يعني احتياجه إليه؟ الجواب لا، بل هو على العرش وهو الممسك للعرش سبحانه وتعالى، لأن العرش مفتقر إلى الله والله تعالى غني عنه، ولكن لكمال عظمته وسلطانه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، حين تم ملك السماوات والأرض وجاء دور السيطرة، والله تعالى له السيطرة والهيمنة على كل شيء من قبل ومن بعد، ولهذا يذكر الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض وبعد كمال الخلق الذي أراد أن يكون العالم فيه. Donc une question qui a été posée ici, et le cheikh il répond à cette question. C'est quoi cette question? C'est, est-ce que le fait que Allah s'est élevé sur le trône signifie qu'il a besoin du trône? Et le cheikh il répond, on a déjà parlé de ça, j'ai mentionné ça tout à l'heure, et le cheikh il répond, il dit non, Allah il n'a pas besoin du trône. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui retient le trône. Hein? Parce que en réalité le trône a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun besoin du trône. Il n'a aucun besoin de quoi que ce soit. Hu al-ghani. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ghani. Et al-ghani, ça veut dire qu'il se suffit à lui-même. Hein? Al-ghani, ça veut dire celui qui est riche. Et il est tellement riche qu'il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien. D'accord? Donc, il n'a pas besoin du trône. D'accord? Al-Qayyum, les ulama ils disent que Al-Qayyum c'est celui qui se tient par lui-même, il n'a pas besoin de rien pour lui-même pour se tenir, et toutes les créatures ont besoin de lui. Donc ça rentre un petit peu dans le sens de Al-Ghina, dans Al-Ghani, le fait que Allah est Al-Ghani. Et il y a des noms d'Allah qui ont des significations qui se rejoignent. Par exemple, le fait que Allah il est Al-Qawi et qu'il est Al-Aziz. Al-Qawi ça veut dire le fort. Al-Aziz c'est le Tout-Puissant. Il y a des sens, il y a des significations qui se rejoignent dans ces deux noms-là et dans d'autres noms aussi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu vois. Donc il y a des noms d'Allah qui ont des sens qui se rejoignent. Hein? Donc ça c'est pas étonnant dans ce sens-là, d'accord? Que Allah soit Al-Qayyum puis qu'il soit Al-Ghani en même temps. Na'am. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةً. Na'am. Est-ce que c'est les anges qui vont supporter Allah ou Allah va supporter? Qui vont supporter Allah, tu dis? Personne ne peut supporter Allah. C'est Allah qui supporte toute la création. إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Fatir, et je vais vous lire la traduction de ce verset, qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui tient les cieux et la terre pour ne pas qu'ils s'effondrent. Et si les cieux et la terre s'effondraient, il n'y a personne qui pourrait les retenir après lui. Hein? Donc ça veut dire que les anges, ils retiennent le trône, hein, les huit anges que tu comme t'as mentionné dans le verset dans Al-Haqqa, ils retiennent le trône, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient toute la création et qui retient les anges et qui retient le trône aussi. Les anges ne peuvent pas supporter le trône sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui qui retient la création. C'est pas la création qui le retient ou qui le supporte. Personne ne peut supporter Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allahu Akbar. Allahu Akbar min kulli shay. Allah est plus grand que tout. Hein? Donc il ne faut pas confondre, d'accord? Et il dit le cheikh ici, parce que donc c'est le trône qui a besoin d'Allah et non pas Allah qui a besoin du trône. Et à cause de la perfection de sa grandeur et de son autorité et de sa souveraineté et de sa toute puissance, Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône après avoir créé les cieux et la terre, et c'est pour dire après qu'il a terminé la création des cieux et de la terre pour établir son autorité, hein, et Allah, son autorité, elle est établie sur toute chose, avant et après. Mais c'est pour ça qu'il a mentionné qu'il s'est élevé sur le trône après avoir créé les cieux et la terre, après avoir compléter la création, hein, et en est de qu'est-ce qu'il a voulu de qu'il y ait dans ce monde. Une autre question qui est posée, le cheikh dit mas'alatun ukhra, tafaddal, vas-y. C'est l'eau, il y a un océan dans les entre le je pense que c'est entre le trône et les sept cieux, hein. Donc il y a les sept cieux. Après, je pense qu'il y a l'océan qui est un océan qui est là, ou une mer qui est là. Et il y a une distance de 500 ans entre les deux. C'est d'après ce que je me rappelle. Et après, il y a le Kursi, qui est le repose-pied. Puis après, il y a l'Arche, par-dessus le Kursi. Hein? Donc il faut comprendre que le Kursi, c'est pas la même chose que l'Arche. Le Kursi, il est plus petit que l'arche. Il est plus petit que l'arche. Il est en dessous de l'arche. Puis au-dessus de l'arche, au-dessus du coursi, il y a l'arche. Et l'arche est la plus grande des créations. Oui, il y a un océan en haut. Comme Allah il l'a mentionné, c'est mentionné dans le hadith. Et Allah il dit même dans le Coran, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Hein? Son trône était sur l'eau. Naam. Donc ensuite le cheikh il pose une autre question, il dit wa mas'alatun ukhra hal yajuzu lana as-su'al 'an mahiyat al-'arsh al-jawab la lakin naqul innahu 'arshun 'azim awsa'u min al-makhluqat kulliha wa li hadha ja'a fi al-hadith mas-samawati as-sab'u wal-aradun as-sab'u bin-nisbati lil-kursiy illa ka halqatin ulqiyat fi falatin min al-ard وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة إذن لا يقدر قدر العرش أحد إلا خالقه عز وجل ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع قدمي الله عز وجل والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. Donc le cheikh il explique ici que est-ce que on connaît de quoi est fait le trône d'Allah? C'est quoi sa réalité? Hein? C'est quoi sa réalité? Et le cheikh il répond en disant non, on le sait pas. Mais c'est un trône immense. C'est la plus vaste et la plus grande de toutes les créatures. Et c'est pourquoi il est mentionné dans le hadith qu'il dit que les sept cieux et les sept terres, par rapport au coursi, hein, le repose-pied, c'est comme si tu prenais un petit anneau et puis tu le jettes dans le désert. D'accord? Ça veut dire les sept cieux et les sept terres, tu les prends, tu les jettes dans le désert, ça va être comme un petit anneau comparé au coursi d'Allah. D'accord? Et il dit, et l'exemple du coursi, du trône par rapport au coursi, c'est comme l'exemple, de cet anneau par rapport au désert aussi. Donc, c'est-à-dire que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au coursi, il est comparable à ce désert par rapport à cet anneau. Tu vois? Donc le trône est beaucoup plus grand que le coursi, et le coursi est beaucoup plus vaste que les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ayat al-kursi, وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et on a fait le tafsir de ayat al-kursi au début du livre. Le cheikh il a expliqué cette partie-là, il a expliqué ça en détail. Au début de quand on a expliqué les points sur Al-Asma al-Sifat. Donc le cheikh il dit que personne ne peut savoir la valeur ou la grandeur du trône excepté son créateur. Et c'est pour ça qu'il est rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, qu'il a dit que le Kursi, c'est l'endroit où Allah pose les deux pieds. Et il dit, le trône, personne ne peut évaluer sa grandeur, son immensité, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit ensuite, فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا السُّكُوتُ لأن مسائل الغيب لا يجب الاقتصار بها لأن مسائل الغيب يجب الاقتصار بها على لفظها فقط وما دلت عليه من المعنى أما الكيفية والحقيقة فلا. Donc le cheikh il dit l'obligation pour nous c'est de se taire, on ne peut pas savoir la réalité des choses, hein? De quoi est fait le trône, comment il est, personne ne sait ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل أخي. نعم. موضع لا هذا كلام عبد الله بن عباس. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني ترجمان القرآن الصحابي قال الكرسي موضع قدمي الله. هذا موجود في الكتاب والسنة. موجود في القرآن والسنة عندنا أصلين في ديننا عندنا أصلين عندنا الكتاب وعندنا السنة والسنة مفسرة للقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفة القدم في كثير من الأحاديث الله سبحانه وتعالى مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة عندما يعني يملأ جهنم ثم جهنم تقول هل من مزيد فيضع قدمه على جهنم ثم النار تقول قط فيعني معنى ذلك أن إثبات القدم موجود في السنة هذا لا شك فيه نعم البخاري ومسلم نعم تريد أعطيك طيب وتجده كذلك في تفسير آية السورة في سورة قاف يعني يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ها؟ هذا موجود يعني donc le frère il pose la question à propos de l'attribut des pieds quand on a dit que le kursi c'est le repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala il dit d'où est-ce que tu prends l'idée que Allah, hein, il a des pieds? Eh bien, j'ai mentionné le fait que dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé les pieds à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple de cette parole qu'on a dit, c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Hein, et bien entendu, yani, عندما نقول أن لله قدمين, yani, نقول قدمين يليقان بجلاله. وليس كمثله شيء يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا نحاول يعني نمثل أو نتخيل كيف قدمي الله أو أن هذين القدمين مثل قدمي المخلوقات لا الرحمن على الآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنثبت القدمين ولكن ننفي يعني التمثيل والمماثلة on affirme que Allah il a des pieds mais on dit à propos de l'attribut d'Allah que c'est des pieds qui conviennent à sa majesté, à sa perfection et à sa grandeur et il n'y a pas de ressemblance entre les pieds d'Allah et les pieds des créatures Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay il n'y a rien qui lui ressemble non. يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء donc il y a aussi les mains Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il a deux mains et les juifs ont dit les mains d'Allah sont fermées Allah les a dit que leurs mains soient fermées et ils sont maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit non plutôt ses deux mains sont grandes ouvertes il donne de ses grâces comme il veut يعني لله يدان mais les deux mains d'Allah sont pas comparables aux mains des créatures. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a dit à Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé avec mes deux mains? Hein? Et il y en a qui ont dit non, al-yadan bima'na an-ni'matan aw al-quwwatan. Hal lillahi quwwatan? Hal lillahi ni'matan? Yani وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Yani, Allah, il n'a pas de limite dans sa grâce. Tu ne peux pas dire qu'il a juste deux grâces. Il a créé Adam avec ses deux mains. Ça veut dire qu'il a deux mains. Pourquoi tu veux déformer le sens de ce que Allah a dit? Tu connais mieux Allah que toi-même? Allah, il sait mieux comment parler de sa personne que toi. Hein? Et à propos de l'attribut du pied, Inch'Allah, je vais te ramener le hadith. Oui, ça c'est un livre d'Aqida, mais je veux mentionner au frère le hadith à propos du pied, que quand il mentionne à l'enfer, hein, l'enfer qui demande à Allah, quand Allah demande à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Et l'enfer qui répond, est-ce qu'il y en a encore? Alors, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur l'enfer, et l'enfer va rétrécir sur lui-même. Hein, et il va dire qat qat, ça suffit, hein, c'est assez. Naam. Donc ça montre la miséricorde d'Allah aussi, parce que dans le paradis, s'il y a de l'espace, Allah va créer des créatures pour remplir le paradis. Mais pour l'enfer, s'il y a de l'espace qui reste, il va pas créer des créatures pour les mettre dans l'enfer pour remplir l'espace. Non, il écrase l'enfer. Hein, avec son pied. Et non, après il mentionne ça aussi. Donc pour le al-qadam. Non. طيب, c'est le hadith. Non. تحاجت الجنة والنار. فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكن واحدة ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ يزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا أما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا هذا المصدر يعني صحيح البخاري هذا في صحيح البخاري رقم الحديث يعني 4850 واللفظ موجود كذلك في صحيح مسلم وفي روايات كثيرة يعني لهذا الحديث فإذا شئت إن شاء الله أرسله إليك بارك الله فيك نعم أي نعم في رواية أخرى هنا عند ابن خزيمة يقول يلقى النار يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد تقول حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن قطن حتى يأتيها ربها. Donc j'ai rapporté les hadiths. Il y a deux hadiths qu'on a mentionnés. Le premier hadith, c'est le fait que le paradis et l'enfer se sont disputés. Se sont argumentés entre eux. Et l'enfer, elle a dit, moi j'ai en moi, j'ai reçu en moi hein, tous les fiers et les puissants. Et le paradis, il dit, comment se fait-il, hein, les orgueilleux, oui, les fiers, comment se fait-il qu'il n'y a que les faibles et les gens bas et les faibles qui rentrent hein, en moi. L'enfer, le paradis a dit ça. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a dit au paradis, tu es ma miséricorde. Et par toi, je fais miséricorde à qui je veux de mes serviteurs. Et il a dit à l'enfer, tu n'es que mon châtiment. Et je châtie par toi qui je veux parmi mes serviteurs. Mais il dit à chacun d'entre vous deux, il y aura son plein. À chacun d'entre vous deux, il y aura son plein. En ce qui concerne l'enfer, elle ne sera pas pleine jusqu'à ce qu'il ait placé son pied dessus. Et l'enfer dira « Qat, qat, qat ». Ça veut dire « ça suffit, ça, c'est assez, c'est assez, c'est assez ». Et à ce moment-là, elle sera remplie et elle va rétrécir sur elle-même. Et donc, Allah ne fait pas d'injustice à personne parmi ses créatures. Tandis que le paradis, il va créer pour elle des nouvelles créatures pour le remplir. Hein? Donc, ça veut dire que l'enfer, il ne remplit pas avec des nouvelles créatures, parce qu'il ne mérite pas l'enfer. Mais par sa miséricorde, il donne le paradis à qui il veut. Subhanallah. Et dans l'autre narration, il y a plusieurs, il y en a plein de narrations comme ça, qui mentionnent cet attribut d'Allah du pied. Et il y en a une autre ici qui est plus Muqtasara, qui est plus résumée, et qui mentionne Al-Qadam. L'autre c'est Al-Rijl. Al-Rijl et Al-Qadam, les deux c'est des synonymes, ça veut dire la même chose, c'est le pied. Et il dit, on va jeter les gens de l'enfer dans l'enfer. Et l'enfer va demander, est-ce qu'il y en a plus? Jusqu'à ce que son Seigneur vienne et place son pied sur elle, c'est-à-dire sur l'enfer. Alors elle va rétrécir sur elle-même. Et elle va dire, qat, qat, qat. Hein, ou qatin, qatin, qatin. Et donc jusqu'à ce que son Seigneur vienne. Hein. Donc c'est pour dire que ça c'est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut nier que Allah, hein, il a al-qadam. Hein, al-qadamayn. Ça c'est les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est rapporté cette narration par Ibn Khuzaymah et il y en a beaucoup d'autres encore également. Donc, yani, subhanallah, les salafs, quand ils voulaient réfuter parce que je sais pourquoi le frère il posait la question. C'est parce qu'une fois il m'a dit qu'il avait été approché par des ahbash, hein, et que les ahbash eux, hein, ils refusent l'affirmation des attributs d'Allah. Et donc si tu parles avec des ahbash puis que tu leur en parlant des ahbash, on parle pas des gens de l'Éthiopie, hein. Faut pas mélanger. Ahbash c'est al-habash, ahlul habasha. Les gens de l'Éthiopie, on les appelle Ahbash en arabe. Mais quand on parle de Firqa, Al-Firqa, Firqatul Ahbash, on les appelle Ahbash. Pourquoi? Parce que leur cheikh, c'était Abdullah Al-Habashi. C'est celui le fondateur de leur secte. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Ahbash. Tu vois? Et il est mort il n'y a pas longtemps. Ça fait quelques années, hein, au Liban. Il était installé au Liban. Abdullah Al-Habashi. Et leur firqa, elle est répandue partout. Et d'après ce que j'avais entendu, Allahu A'lam, c'est l'État syrien des Nusayriyah qui les finance partout dans le monde. Ils leur payent des écoles, ils leur payent des mosquées. Vous voyez ici, ils ont des écoles, ils ont des mosquées. Dans des villes aux États-Unis, la même chose. Dans des villes en France, en Europe, dans d'autres parties, ils en ont aussi. Exactement. C'est quoi le PBF? C'est une abréviation, mais ça veut dire, je pense, projet association de bienfaisance. Ouais, c'est ça. Donc ils ont, selon l'endroit, ils ont un nom différent, mais c'est toujours des trucs de charité, là. Hein? C'est C'est-à-dire qu'ils ont différentes façons de s'habiller selon les endroits, tu vois, c'est pas... Ceux de France et ceux d'ici sont différents un peu. Parce que j'ai rencontré des Ahbash ici, et ils sont pas la même nécessairement pareils que ceux qui sont en France. Il y en a qui m'ont dit en France, les Ahbash, ils sont c'est des voyous en fait, c'est des violents. C'est ça qu'ils m'ont dit. Il y a un frère qui m'a dit ça. Hein, c'est des étudiants. Ok. En tout cas, ils utilisent les femmes pour attirer les gens. Donc, Allah al-Musta'an. Et même ici, tu les vois, si tu vois des filles avec qui portent des voiles légers là, et qui montent leurs atours, ça c'est, souvent, c'est parmi les filles des Ahbash, elles se voilent pas islamiquement. Donc, le Cheikh, il dit ensuite, wa qawluhu. Donc, on revient à notre sujet, inshallah. فالواجب السكوت. Donc, il dit, en ce qui concerne la réalité des attributs d'Allah ou le commun des attributs d'Allah, on doit se taire. On ne peut pas parler de ça parce que ça fait partie du raib. Donc, on doit uniquement se limiter à ce qui est mentionné dans le texte. Les Ahbash, ils disent, oh, vous les salafis, vous les gens, vous dites, Allah s'est assis sur le trône. Souvent ils utilisent le terme s'asseoir. Alors nous on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné le verbe istawa, il n'a pas employé le terme jalasa. Jalasa en arabe qui signifie s'asseoir. Istawa ça veut dire s'élever, monter sur. Donc on utilise le terme que Allah a utilisé. On n'amène pas des termes de nous-mêmes et des expressions de notre propre tête pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se limite au Coran et à la Sunna. Ce que Allah a dit dans le Coran, on le dit. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on le dit. Et le reste, on s'en abstient et on s'écarte. Les salafs, quand ils réfutaient les gens qui nient les attributs, sur quoi ils se basaient? Sur les hadiths, sur le Coran et les hadiths. Et ils les détruisaient, leurs arguments et leurs shubuhat, avec les versets et les hadiths. Hein? Donc si quelqu'un il te vient et dit non, Allah il n'a pas de main, tu lui dis Allah il dit qu'il a une main dans le Coran. Comment tu peux dire qu'il n'a pas de main? Hein? Tu, Allah il dit qu'il a une main, toi tu dis qu'il n'en a pas? Pour qui tu te prends? Hein? Allah il dit qu'il a des pieds et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah il a deux pieds, toi tu dis qu'il n'en a pas? Mais pour qui tu te prends, subhanallah, de parler d'Allah comme si tu connaissais mieux Allah que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Donc ça c'est des exemples du manque de respect que tu retrouves chez les gens de bid'ah. Hein? Et après eux, pourquoi ils veulent pas l'affirmer? Parce que dans leur esprit, ils imaginent les pieds d'Allah comme ceux des créatures. Alors, étant donné qu'ils font déjà le péché d'imaginer et de comparer Allah avec la créature, après ils sont obligés de tomber dans un autre péché qui est de nier l'attribut. Hein? Donc ils tombent dans le tashbih en premier, puis après ils font le ta'til, ils nient les attributs en deuxième. Hein? Et ça, c'est le résultat de l'égarement de ces gens-là. Non. Oui, on a parlé de ça quand on a parlé d'Al-Ulu, puis ça, on va en reparler encore, tu vas voir, Inch'Allah. Donc, le Cheikh dit وَقَوْلُهُ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ كَيْفِيَتَهُ إِلَّا هُوَ جَلَّ وَعَلَى كَثِيرًا مَا تَسْأَلُ تسأل طالب العلم فتقول ما معنى استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فيقول لك معناه استواء يليق بجلاله فهذا لم يجب لأن قوله استواء يليق بجلاله يقوله النافي المعطل أيضا حيث يقول استواء يليق بجلاله يعني استيلاء استيلاء يليق بجلاله بل الواجب علينا أن نقول الرحمن على العرش استوى أي على عليه علوا يليق بجلاله غير محتاج إلى العرش بل كل شيء محتاج إليه والله غني عن كل شيء. Donc le Cheikh il dit, et souvent, donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est au-dessus de son trône, qu'il s'est élevé, istawa ala arshihi, on dit il l'a fait d'une manière qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Personne ne connaît le comment de son élévation sur le trône excepté lui. Et le cheikh il dit, beaucoup de fois on pose la question à un étudiant en sciences à propos de la signification de istawa dans le verset, dans surat Taha, le verset 5, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Qu'est-ce que ça veut dire? Et parfois le talib ilm il va te dire, il va répondre en disant, ça signifie qu'il s'est istawa, il s'est élevé d'une manière qui convient à sa majesté. Il dit, celui qui dit ça, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que l'istiwa, tu ne l'as pas défini, tu ne l'as pas expliqué. Istiwa un yaliqu bi jalalihi, même la personne qui nie l'attribut de l'istiwa, il dit yaliqu bi jalalihi aussi. Sauf que lui, il l'interprète. Il va dire istiwa bi ma'na al-istila. Hein? Eux, vous savez, ça veut dire, on dirait dans ce cas-là, istawla. Quand tu as pris le dessus, quand tu as pris le dessus sur le trône de l'autre, on utilise l'expression istawla. Et istawa, ça veut dire s'élever. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on ne veut pas dire que Allah s'est élevé, parce que si on dit ça, ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un mouvement, et donc ça c'est la caractéristique des créatures. Donc ça veut dire qu'on fait une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc pour s'éloigner de ça, ils ont déformé le mot istawla en rajoutant un lam. Puis donc au lieu de dire istawa, ils disent istawla, qui signifie de conquérir ou de prendre le dessus. Et ça c'est en réalité, quand ils disent aussi istila'un yaliqu bi jalalihi. Hein? Même quand ils disent istila, il a conquéri le trône d'une manière qui convient à sa majesté. Donc si tu dis que le terme istawa signifie qu'il s'est élevé d'une manière qui convient à sa majesté, ou bien, mais parce que le problème c'est qu'ils le traduisent pas, ils vont pas le traduire, eux ils vont utiliser le terme, et ça c'est ce que tu constates des fois dans les écrits même des ahbash. Hein, les écrits des Ahbash, eux, ils vont traduire la phrase ou le verset, mais quand ils arrivent à Istawa, ils ne le traduisent pas. Ils le laissent en arabe, Istawa, comme ça. Mais ils ne disent pas qu'est-ce que ça veut dire. Non, ils ne vont pas dire Istawa quand ils le récitent. Quand ils récitent le Coran, ils ne vont pas dire le lam, parce que s'ils font ça, ils vont se faire lapider par les musulmans, même les awam, même le commun des musulmans qui sait rien de l'islam, il va entendre la personne qui récite le verset, qui rajoute un lam, ils vont commencer à lui lancer des pierres, ils vont dire mais qu'est-ce que tu rajoutes des lettres dans le Coran? Donc ils peuvent pas le faire, mais ils rajoutent dans l'explication le lam. Il rajoute le lam dans l'explication quand il parle, quand il explique le verset. Donc, mais c'est une forme de tahrif quand même. C'est une forme de falsification, de déformation du Coran aussi dans la signification, tu vois. Donc, ils disent eux aussi, où ils prétendent que c'est dans le sens de l'istila, c'est-à-dire de conquérir le trône. Et le cheikh, il dit non, il faut expliquer. Quand tu dis Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa, il faut que tu dises clairement que ça veut dire que Allah s'est élevé et qu'il est au-dessus de son trône d'une manière qui convient à sa majesté. Pour réfuter justement l'idée que ces gens-là propagent que ça veut dire plutôt de conquérir ou d'avoir le pouvoir sur le trône ou des choses de ce genre. Le Cheikh il dit balil wajib alayna, donc notre devoir, notre obligation c'est quand on explique le verset qui parle du fait que Allah s'est élevé sur le trône, istawa, de clarifier que ça veut dire que Allah est monté au-dessus de son trône, s'est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui convient à sa majesté et qu'il n'a aucun besoin de ce trône et que toutes les créatures ont besoin plutôt de lui, hein, et que lui, Allah lui-même, il est Ghani, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien, hein. ثم إننا لا نعلم كيفية استوائه لا نعلم كيفية استوائه سبحانه وتعالى لأن هذا من أمور الغيب وقد أخبرنا عنه ولم يخبرنا عن كيفيته ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا فوجب علينا الوقوف عما ورد ولا نتعداه ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق رأسه حياء وخجلا وأخذ يتصبب عرقا من شدة ما ورد على قلبه فانتطقه الله تعالى بهذه الكلمات التي تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها أساسا لبقية الصفات فقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا وما أراك إلا مبتدعا أي ما أظنك أو ما أراك إلا مبتدعا أي ما أعلمك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد لأنه سأل عن كيفية الاستواء وروي هذا النقل بلفظ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا نقل للنص بالمعنى وإلا فإن المنقول بالسند الاستواء غير مجهول والمعنى أنه معلوم في اللغة العربية ومعنى استواء على استوى على كذا في العربية أي على عليه. OK, on va s'arrêter ici, hein. Et puis le cheikh, je vais juste traduire la première partie de qu'est-ce qu'on a lu. Le cheikh il dit donc on affirme l'attribut et on ne sait pas le comment Allah s'est élevé sur son trône, comment est l'istiwa d'Allah sur son trône, on ne le sait pas, mais on sait qu'il s'est élevé sur son trône et ça fait partie du ghaib, hein? Et il nous a informé, hein, qu'il s'est élevé sur le trône, mais il ne nous a pas informé comment il s'est élevé sur le trône. Et s'il y avait pour nous un bien de nous le dire, il nous l'aurait dit. Mais il ne nous l'a pas mentionné. Alors on ne doit pas dépasser la limite et on doit s'arrêter à ce que Allah nous a dit. Et c'est pour ça que, hein, il mentionne la parole de l'imam Malik lorsque l'homme est venu en lui citant le verset « Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône ». Comment est-ce qu'il s'est élevé sur le trône ? Kayfastawa ? Alors l'imam Malik, il a commencé à avoir des sueurs sur le front. Il était tellement énervé d'entendre cette question, hein? Alors il a répété cette réponse qui a été ramenée par les ulama et agréée par les ulama et qui a été établie comme une règle de base pour le reste des attributs aussi, dans laquelle il a dit l'istiwa, hein, il n'est pas inconnu dans la langue arabe, on connaît la signification de l'istiwa. Et le comment, il ne peut pas être compris rationnellement. Ça dépasse notre entendement, on ne peut pas comprendre ça. Et de croire en cela est obligatoire, c'est-à-dire de croire que Allah s'est élevé sur le trône. Et la question au sujet du comment Allah s'est élevé sur le trône, ça c'est une innovation. Et il a dit, je ne te vois que comme étant un innovateur. Hein, et il a dit, hein, il a ordonné qu'on le fasse sortir de la mosquée. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours, on va reprendre à partir de ce point-là, puis on va expliquer, le cheikh il a mentionné chaque phrase de cette explication de l'imam Malik, et on va donc la reprendre et on va expliquer chacune d'elles en détail, inshallah.